Je suis le maître de la situation, je peux écrire plein de chansons. Ik ben de meester van de situatie, ik kan veel liedjes schrijven. Ik ben de meester van de situatie, ik kan veel liedjes schrijven. Ik ben de meester van de situatie, ik kan veel liedjes schrijven. Google Translate! We kunnen praten dankzij Google Translate. Ja. We kunnen praten dankzij Google Translate. En bovendien hebben we tegenwoordig kunstmatige intelligentie. En bovendien hebben we tegenwoordig kunstmatige intelligentie. Oh my god. Ken je GPT-chat? Ken je GPT-chat? Ken je GPT-chat? No, I don't know GPT-chat. Nee, dat ken ik niet. Er is geen probleem, meneer. Je moet het uitleggen met je kanker, hoor. Hallo, er is geen probleem, meneer. Leg hem uit. Hallo, via Google Translate. Er is geen probleem, meneer. Alleen. Ah, non, pardon. Alleen, Nederland. Er is geen probleem, meneer. Hallo, er is geen probleem, meneer. Attends. Er is geen probleem, meneer. Alsnog. Non. Oh non, pas de problème, non, pas de problème, monsieur. Oh non, pas de problème, monsieur. Oh, on la pute, hein, la pute. Oh, bébé. Oh non, pas de problème, monsieur. On est geen probleem, meneer. You make a song with Google Vous Translate. Vous êtes des animaux. Vous êtes des on animaux. On est geen probleem, meneer. On est geen probleem, meneer. Okay, let's make a tune with Google Translate. Here we go. Yeah. Eet je graag worst en drink je graag wijn? Eet je graag worst en drink je graag Franse wijn? Google. Est-ce que tu aimes manger du saucisson et boire du vin français? Est-ce que tu aimes manger du saucisson et boire du vin français? Merci, monsieur. On très bien de prendre le problème, monsieur. Est-ce que tu aimes danser en discothèque? Oh, vous êtes des animaux. Est-ce que tu aimes danser en discothèque? Oh, vous êtes des animaux. Oh, vous êtes des animaux. Oh, vous êtes des animaux. Des animaux? Yeah, let's make a new track. Right hand on the jumbotron man. Yeah, put the apple on right hand. And if you're gonna pay, then that's to come far. Don't think, right up here. If you can't no test nowhere. If a line gonna pay, then don't see man. This is gonna pay, then can't be on store. It's Friday night, drink some beer. Smoke some weed, run him and run now. Yeah, if a line gonna see, then never gonna test the fight. Then I'm playing now. Yeah, I really don't know what to say. So I'm continuing to go proofing on. Yeah, that link here, man, yeah. Friday night. Friday night. Friday night. Oh, Friday night. Friday night. Friday night. Thank you. ça la vieille. C'est vieux ça. On the beat. Il joue mal le bassiste. Il joue mal le bassiste. J'ai fait des fausses notes. Ok. Ok. J'ai raté la fin. J'ai raté la fin. Putain. Putain. Oh, pas de problème, monsieur.